Donc, Inch'Allah, on va commencer. Avant de débuter, on va juste vous annoncer quelque chose en même temps. C'est que on termine bientôt le livre de Al-Usul al-Thalatha. Et pour l'instant, après ce cours-là, après Al-Usul al-Thalatha, lorsqu'on va terminer le livre, je vais devoir m'arrêter pendant un certain temps parce que j'aurai des choses à faire, des responsabilités, des choses personnelles à régler. Donc pendant un certain temps, je vais être obligé de, arrêter les durus pendant une période jusqu'à ce que Inch'Allah je sois en mesure de reprendre. Par exemple, lorsque Inch'Allah j'aurai réglé certaines questions puis certains problèmes personnels, Inch'Allah par la suite je vais pouvoir reprendre les cours, puis on va continuer comme on avait l'habitude, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, pour revenir donc au sujet de notre dars, on va continuer à l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois. Donc bismillah, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc comme on dit dans la fin de cette parole, la meilleure des paroles est la parole d'Allah, la meilleure des guidances est celle du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, et toutes les pires choses sont les choses inventées dans la religion, et toute chose inventée dans la religion est une bid'a, et toute bid'a est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc ensuite, on va continuer donc à l'explication de al-usul al-thalatha. Comme on avait expliqué, on est toujours dans al-usul al-thani, c'est-à-dire le deuxième fondement parmi les trois fondements, et c'est-à-dire de connaître notre religion. De connaître notre religion avec l'épreuve. Et on a expliqué les deux premiers degrés de la religion. Le premier degré, c'est al-islam, la soumission. Le deuxième degré, c'est al-iman, c'est-à-dire la foi. Et là, on arrive au troisième degré, c'est al-ihsan, c'est-à-dire le perfectionnement de la religion et de la foi. Ok? Al-ihsan. Et là, c'est ce qu'on va lire ensemble et c'est ce qu'on va expliquer, inshallah. Donc, al-martabatu al-thalitha, al-ihsan. Al-ihsan. Wa ta'rifu al-ihsan, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, al-martabatu al-thalitha, al-ihsan, ruknun wahid. Wa huwa an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraak. C'est-à-dire que al-ihsan, qu'est-ce que c'est? C'est le troisième degré. Et c'est on peut le traduire en français par la bonté, parce que ça vient de la bonté, et on peut le traduire également par le perfectionnement de la foi. De toute façon, on va donner les trois définitions que le cheikh il a mentionnées, ou les trois significations de al-ihsan dans le sharh, dans l'explication. Donc, c'est al-ihsan, on a expliqué précédemment que le premier degré, al-islam, est composé de cinq piliers. On a expliqué que le deuxième degré, al-iman, est composé de six piliers. Les cinq piliers de l'islam, c'est le témoignage, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammad rasulullah. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la salat. Le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat. Le quatrième pilier de l'islam, c'est as-sawm, Et le cinquième pilier de l'islam, c'est Al-Hajj. Ça, c'est les cinq piliers de l'islam. Les six piliers de l'Iman, les six piliers de la foi, Al-Imanu Billah, c'est-à-dire la foi en Allah, de croire en Allah, et avec tout ce que ça implique. Deuxièmement, Al-Imanu Bil Malaika, la foi en les anges. Troisièmement, Al-Iman Bil Rusul, la foi en les messagers. Quatrièmement, la foi en les livres. Cinquièmement, la foi en le jour dernier, Al-Yawm Al-Akhir. Donc, les livres, les messagers, les livres, la foi en le jour dernier. Et le dernier des six piliers, la foi en Al-Qadar. خيره وشره. Donc القدر خيره وشره. نعم. Donc ça c'est les six piliers de la foi. Maintenant, l'ihsan, il a un seul pilier. L'ihsan, le troisième degré de la religion, l'ihsan, il a un seul pilier. وهو أن تعبد الله. C'est-à-dire, il consiste ce pilier en le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. D'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'y arrives pas, alors tu l'adores en sachant que lui, il te regarde. Lui, il te voit. Si tu n'arrives pas à l'adorer comme si lui te voyait, si tu n'arrives pas à l'adorer comme si toi tu le voyais, alors lui, il te voit. D'accord ? C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors lui, il te voit. C'est ça le degré de Al-Ihsan. Puis on va expliquer plus en détail qu'est-ce que ça signifie. Donc ça, c'est un degré plus haut encore dans la religion. C'est le plus haut degré de la religion. Le plus parfait des trois degrés de la religion. Ok, maintenant l'explication de ça. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit « Al-Ihsan fil lugha itqan al-shay' wa itmamuhu ma'khuz min al-husni » وهو الجمال ضد القبح وهو ينقسم إلى أقسام. Donc premièrement, le mot ihsan dans la langue arabe, ça veut dire de faire quelque chose avec perfection et de le compléter et de le faire parfaitement et complètement. C'est ça que ça veut dire. إتقان الشيء وإتمامه. Et ça vient du mot husn en arabe. Al-husn, en arabe, c'est le contraire de al-qubh. Al-husn, ça veut dire la beauté ou la bonté. Et le contraire, c'est al-qubh, la laideur. Donc, ça vient de là. La racine de ihsan, ça vient de al-husn. Et elle se divise en trois catégories. Donc, al-ihsan, elle se divise en trois catégories. Al-awwalan, ihsanun. بين العبد وبين ربه وهذا هو المقصود. Donc la première catégorie de ihsan, c'est l'ihsan, la bonté ou la perfectionnement qu'il y a dans la relation entre le serviteur et son seigneur. C'est-à-dire l'ihsan qui existe entre le serviteur, c'est-à-dire un musulman, et son seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça, c'est le but et c'est l'objectif de qu'est-ce qu'on est en train de parler maintenant. Parce qu'on parle de cette catégorie de ihsan. Cette catégorie-là. La deuxième catégorie, ثانياً, ihsanun bayna al-abdi wa bayna al-nas. C'est-à-dire la bonté entre le serviteur, le musulman, et les autres personnes sur la terre. Ah, c'est-à-dire avec les autres musulmans et avec les autres personnes qui sont peut-être pas musulmans aussi, qui sont pas musulmanes, et aussi même envers les animaux. Donc de faire preuve de bonté envers toutes les autres personnes et les autres choses. Et ثالثاً, troisièmement, إحسان الصنع وإتقانها. إذا صنع الإنسان شيئاً أو عمل عملا فإنه يجب عليه أن يتقنه ويتمه. Troisième catégorie, c'est de faire preuve de bonté et de perfectionnement dans le travail que tu fais. peu importe quel genre de travail que tu fais, qui fait partie des travaux qui sont halal, tu dois le faire de la meilleure façon. Et tu dois le maîtriser et le compléter. Tu ne fais pas quelque chose à moitié. Tu le fais avec le plus d'effort et le meilleur résultat possible. Tu mets tout ton effort dedans pour le maîtriser comme il faut. Ok, donc maintenant on va expliquer chacune de ces catégories-là, une par une, mais en détail. On a juste nommé les grandes lignes maintenant, les trois catégories. Premièrement, l'ihsan entre Allah et entre le serviteur et Allah. Première catégorie. Deuxième catégorie, l'ihsan bayna al-abd wa al-nas. La bonté entre la personne, un serviteur d'Allah, et les hommes et les autres créatures. Troisièmement, de faire une action de la meilleure façon. Maintenant, on va expliquer chacune de ces trois catégories-là. النوع الأول سمية كاتيجوري لشيخ الزي وهو إحسان بين العبد وبين ربه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ce premier point là, son explication est assez longue. Donc on va prendre peut-être deux pages, trois pages pour l'expliquer. Donc préparez-vous à bien noter les choses qu'on va expliquer maintenant. Le cheikh dit النوع الاول هو الاحسان بين العبد وبين ربه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل بحضره الصحابه كما ياتي فقال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فالإحسان بين العبد وبين ربه هو اتقانه العمل الذي كلفه الله به بان ياتي به صحيحا خالصا لوجه الله عز وجل عمل الإحسان بين نعم عمل الإنسان بين عمل الإنسان بين العبد وبين ربه ما توفر فيه الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين واحدة أعلى من الأخرى. Maintenant, on va expliquer ce passage. La première catégorie des trois qu'on a mentionné, c'est l'ihsan entre un serviteur et son seigneur. Faire preuve de perfectionnement et de bonté dans la façon dont on agit envers notre créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans le hadith de Jibril. Lorsque Jibril est venu et qui lui a demandé qu'est-ce que c'est l'ihsan ? Qu'est-ce que c'est l'ihsan? Il a répondu, il a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à adorer Allah comme si tu le voyais, alors tu sais que lui, il te voit. C'est ça l'ihsan. Donc l'ihsan, entre le perfectionnement qui existe entre le Seigneur, entre le serviteur et son Seigneur, pardon, donc c'est de perfectionner son adoration, de perfectionner l'action qu'il fait, de perfectionner les choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendues obligatoires, de les faire d'une manière qui est correcte et avec une intention qui est pure. C'est-à-dire qu'il fait cette action-là uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour son visage. Donc, il agit avec ihsan, il agit avec perfectionnement et avec bonté, il fait ses actions envers Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure façon possible. Hein? Et donc, il essaie d'être mukhlis, d'avoir l'ikhlas envers Allah, d'être pur dans son intention et dans son adoration pour faire son adoration uniquement pour Allah, et il essaie de faire cette action-là en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ce degré de ihsan, il est en lui-même divisé en deux degrés. Il est lui-même divisé en deux degrés. Donc ce premier degré qu'on a expliqué, ou ce degré de l'ihsan, cette première catégorie, il est divisé en deux degrés. Le premier degré, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. D'accord ? Et si tu n'arrives pas, ça c'est le deuxième degré, alors tu l'adores en sachant que lui, il te regarde et lui, il te voit. Donc ça c'est le premier degré, et puis ensuite le deuxième degré. Maintenant, le cheikh il explique ça. Là je vous ai résumé les deux, maintenant... Non, on va expliquer en détail. Le cheikh il dit al-oula, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانا ليس عندك تردد أو أي شك بل كأن الله أمامك سبحانه وتعالى تراه عيانا فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان تعبد الله كأنك تراه من كمال اليقين وكمال الإخلاص كأنك ترى الله عيانا والله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة ولكن تراه بقلبك حتى كأنك تراه بعينيك ولذلك يجازي أهل الإيمان أو يجازى أهل الإيمان الإحسان بالآخرة بأن يراه يجازى أهل الإحسان بالآخرة بالآخرة بأن يروه سبحانه وتعالى لما عبدوه وكأنهم يرونه في الدنيا جازاهم الله بأن أفسح لهم المجال بأن يروه بأبصارهم في الدار النعيم. Donc le cheikh il explique que le premier degré c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. D'accord, vous me suivez? Vous adorez Allah comme si vous le voyez. C'est-à-dire que ton degré de conviction et de certitude envers Allah subhanahu wa ta'ala est arrivé à un niveau de, t'es arrivé à un niveau de certitude et de foi tellement élevé que lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu le voyais avec tes deux yeux. Hein? Tu n'as aucune hésitation, aucun doute. Tu adores Allah comme si Allah était devant toi et que tu le voyais avec tes deux yeux. Celui qui arrive à ce degré-là de foi et de certitude, alors il a atteint le degré de l'ihsan. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Ça, c'est la perfection de la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la perfection de la pureté dans ton intention. Quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là, tu ne peux pas avoir aucune autre intention que de faire ce que tu fais pour Allah seul. Hein? Puisque tu adores Allah comme s'il était devant toi, tu le vois avec tes deux yeux. Il n'y a rien d'autre, hein, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et tu ne vas pas faire quelque chose pour autre que lui. Tu ne vas pas faire ta prière pour que les gens te regardent. Ou des choses de ce genre comme riya ou des choses comme ça. Non, ton intention elle est pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est comme si tu le voyais avec tes deux yeux. Et on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le voir avec nos yeux dans cette vie d'ici-bas. C'est pas possible. Hein? Contrairement à certains soufis parfois qui prétendent qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala, non. Dans cette vie d'ici-bas, jusqu'à ce qu'on meure, on ne pourra pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça dans un hadith authentique. لَنْ تَرَوْ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. Vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Donc ça c'est clair à ce sujet-là. Et on pourra uniquement le voir dans l'au-delà. C'est-à-dire après la mort. Là, on pourra voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans cette vie d'ici-bas, tu le vois avec ton cœur ou par ton cœur comme si tu le voyais avec tes deux yeux. Hein? Et c'est pour cette raison-là que les gens qui ont atteint le degré de Al-Ihsan, hein, dans l'au-delà, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux dans cette vie d'ici-bas qui ont atteint ce degré de Ihsan, eh bien, dans l'au-delà, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala parce que dans cette vie d'ici-bas, ils l'adoraient comme s'ils le voyaient. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par cette récompense en leur donnant la possibilité de le voir avec leurs vrais yeux dans le paradis. Dar al-Na'im. Hein? Et comme le cheikh il mentionne le verset, قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. والزيادة هي النظر لوجه الله. والسبب أنهم أحسنوا في الدنيا فأعطاهم الله الحسنى وهي الجنة، وزادهم رؤية الله عز وجل، وزادهم رؤية الله عز وجل. تعبد الله كأنك تراه على المشاهدة والمحبة والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، تتلذذ بطاعته وتطمئن إلى طاعته سبحانه وتعالى، تشتاق إليها. هذه طريقة المحسنين. الشيخ يزيد دونك الله سبحانه وتعالى il dit: et pour ceux qui ont fait preuve d'ihsan, qui ont perfectionné leur adoration, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur donne al-husna, et plus encore Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le bien, et plus encore. C'est-à-dire les ulama ont expliqué la signification de ziyada, le surplus. C'est quoi? C'est la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala et de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement dans le Coran, il dit: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Est-ce que pour la bonté il y a une récompense autre que la bonté, ou pour le perfectionnement il y a une récompense plus que le autre que le perfectionnement? Donc chacun il aura selon ce qu'il a mérité. Et donc pourquoi? Parce que dans cette vie d'ici-bas, ils ont fait preuve d'ihsan, ils ont perfectionné leur foi, ils ont été remplis de certitude et de foi, et ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec ce niveau-là et ce degré-là, et donc Allah subhanahu wa ta'ala les récompense dans le paradis en leur donnant al-husna, qui est le paradis. Al-husna, c'est le paradis, et il leur donne un surplus encore, c'est de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala comme ils l'adoraient dans cette vie d'ici-bas, comme s'ils le voyaient. Et ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas avec amour. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et avec, comment on dit, ash-shawq. Quand tu dis que ash-shawq, c'est quand tu as vraiment envie de quelque chose. C'est ça ash-shawq. Donc tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec cette envie de vouloir le rencontrer. Et cet amour de vouloir le rencontrer, et tu ressentais une jouissance ou un certain plaisir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu adorais Allah subhanahu wa ta'ala, tu ressentais une saveur, un plaisir dans cette adoration là et ton cœur s'apaisait, tu ressentais un apaisement dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu avais cette envie, ce désir de, yani, de faire cette adoration-là aussi. C'est pas comme si tu fais juste l'adoration comme ça, comme par exemple certaines personnes. Parfois ça peut arriver à tout le monde que parfois sa foi baisse et qu'il fait sa prière, mais il fait sa prière parce que, yani, il sent que c'est une obligation, donc il l'a fait et ça finit là. Tandis que parfois ton niveau de foi il va être plus élevé. Non seulement tu fais cette obligation là parce que tu sais que c'est une obligation, mais en même temps yani t'as soif de cette adoration là, t'as un désir de cette adoration là, t'as un plaisir juste à penser à vouloir la faire et l'accomplir. Tu marches à la mosquée avec hâte, avec amour, pour justement arriver dans les premiers rangs, pour être en premier, dans le premier saf, pour prier dans la jama'a, pour avoir la récompense et pour être capable justement de te rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le niveau de ta foi. Donc ça c'est des exemples. Donc ça c'est l'exemple ou la voie ou le chemin de ceux qui ont al-ihsan et qui font partie des muhsinin. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous donner la force d'arriver à atteindre ce degré-là et de faire partie des muhsinin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala, bon, par rapport à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, tous les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, bien entendu, il y a des degrés de foi qui sont différents. Puis, c'est sûr que ceux qui ont fait plus d'efforts, ils ont une plus grande récompense que ceux qui ont fait moins d'efforts. Chacun, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner selon leur degré. Hein? Allahu a'lam. Al-martabatu thaniya. Le deuxième degré de cet ihsan. Le Cheikh il dit: إذا لم تبلغ هذه المرتبة العظيمة فإنك تعبده على طريقة المراقبة بأن تعلم أن الله يراك يعلم حالك ويعلم ما في نفسك فلا يليق بك أن تعصيه وأن تخالف أمره وهو يراك ويطلع عليك وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى وما دمت أنك تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته وتتقنها لأنك تعلم أن الله يراك ولله المثل الأعلى لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر وأنت تنفذ هذا الأمر أمامه وينظر إليك هل يليق بك أن يقع منك إخلال بهذا الفعل؟ Le Cheikh il dit comme deuxième degré de l'ihsan de cette première catégorie ou de cette deuxième degré de cette première catégorie c'est que si tu n'as pas été capable d'adorer Allah comme si tu le voyais avec tes deux yeux, mais au moins tu sais que lui il te voit et il te regarde, et ça c'est le fait que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours en train de te surveiller. Il entend tout ce que tu dis. Il voit tout ce que tu fais. Il sait tout ce qui est dans ton cœur. Donc, tu l'adores de cette façon-là, avec muraqaba. Tu l'adores, Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant qu'il est en train de te regarder, de t'observer, de te surveiller. Et donc, il sait ton état, il sait ta situation, il connaît l'état de ton cœur, il connaît l'état de ton âme. Il sait tout de ton état. Il sait ce qui est en toi. Et donc, il n'est pas convenable dans ce cas-là que tu lui désobéisses ou que tu contredises son ordre et son commandement. Il te voit, il t'observe, il te regarde. Donc ça c'est un degré qui est bien, c'est un niveau qui est très bon dans la religion, mais il est moins élevé que le premier degré le premier exemple qu'on a mentionné. C'est il te voit, il te regarde, c'est ça. Donc du moment que tu sais que lui il te voit et qu'il te regarde, donc tu vas essayer de parfaire ton adoration, d'améliorer ton adoration, de la faire de la meilleure façon possible. Parce que tu sais qu'Allah te voit. Et bien entendu, si on donne un exemple par rapport aux créatures, on sait que l'exemple qui revient à Allah est plus haut et plus grand encore. Donc l'exemple qu'on peut donner par rapport à cette dunya, des actions qu'on peut faire, c'est que supposons que tu veux faire une action ou quelque chose en présence de quelqu'un que tu estimes et que tu respectes, qui fait partie des gens que en qui tu doit avoir un certain obéissance ou respect parmi les hommes, que ce soit ton patron, ton superviseur, ton chef, ou bien ton père, ou quelqu'un envers qui tu dois un respect et une obéissance. Eh bien, c'est certain que lorsque tu dois faire ce travail-là, lorsque lui, il est là, présent, et qu'il t'observe en train de le faire, c'est certain que tu vas faire preuve de plus de perfectionnement et d'attention dans ton travail que lorsque il n'est pas en train de te regarder. C'est comme quand tu conduis par exemple et que il y a un policier derrière toi ou bien à côté de toi, tu conduis pas nécessairement, tu conduis plus prudemment que d'habitude. On dirait que le fait que tu, que tu sais que tu es conscient qu'il y a un policier là, yani tu essaies de faire plus attention. Alors qu'habituellement, peut-être que tu fais très attention tout le temps. Sauf que là, en ce moment-là, tu vas faire encore plus attention que d'habitude. Et des fois, même le fait que tu saches, parfois, des fois, ça pousse certaines personnes parfois à faire des fautes, yani qu'ils ne feraient pas en temps normal parfois. Non, mais c'est juste pour donner un exemple à ce sujet-là. Eh bien, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus grand cet exemple-là, dans le sens que si tu fais une action pour tu fais une action pour quelqu'un, ou que tu fais quelque chose dans la dunya, hein, travail, quelque chose comme ça, puis tu vas le faire encore mieux lorsqu'il est là en train de te regarder. Alors, si tu es en train de faire une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu dois encore faire plus d'efforts pour que ton action soit faite de la meilleure façon, hein, puisque tu es en train de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et naam. Pour éviter l'ostentation, comme le frère il a posé la question, eh bien, ça c'est un travail que quelqu'un doit faire sur lui-même, tu vois, pour éviter l'ostentation. C'est que lorsque tu es en train de faire ton adoration, tu dois la faire de la meilleure manière. Et tu dois te concentrer uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala, et sur le fait que tu es en train de faire cette action-là pour lui seul. Et puis tu oublies les autres. Hein, tu oublies les gens qui sont autour de toi quand tu fais cette adoration là. Et en même temps, si jamais il y a un peu de riya qui rentre dans ton cœur au moment où tu es en train de faire cette adoration là, eh bien tu essaies de repousser cette riya, de te l'enlever du cœur, hein, te concentrant encore plus sur qu'est-ce que tu es en train de faire, sur la signification de qu'est-ce que tu es en train de réciter. Par exemple, quand tu es en train de réciter le Coran dans la prière, ou que tu es en train de faire un zikr, tu es en train de dire une parole, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim, tu réfléchis sur qu'est-ce que ça signifie cette parole, hein? Et donc ça t'aide à te concentrer plus et à faire plus d'efforts pour être sincère. Si jamais, par exemple, comme ça c'est une ruse du shaitan aussi, certaines personnes parfois, shaitan il leur vient, il leur dit son action elle n'est pas sincère. Donc, yani, fais-la pas. Ou bien, par exemple, tu es en train de faire ta prière, tu récites, ou bien tu fais quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le shaitan, il vient te dire, par exemple, toi, tu es en train de faire quelque chose par ostentation. Donc, tu dis, dans ce cas-là, je vais m'arrêter, je vais pas le faire. Ou bien, je vais raccourcir ma prière, pour pas que ça soit riya. Les ulama ont dit de s'abstenir de faire une action par crainte de riya, ça devient du riya. Tu comprends? Donc les ulama, ils ont dit, si tu vois que tu es en train de faire une bonne action, puis que le shaitan, il te met des doutes sur ton intention pour te pousser à diminuer ton adoration ou diminuer le bien que tu fais par crainte de riya, dans ce cas-là, fais le plus long encore. Prolonge ta prière et embellis-la pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oublie les gens. Parce que au jour de la résurrection, c'est pas les gens qui vont te récompenser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu fais ton action pour autre qu'Allah, tu n'auras aucune récompense. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il va dire aux gens qui faisaient des actions pour les autres, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, allez voir ces gens-là pour qui vous faisiez des bonnes œuvres et demandez-leur pour voir s'ils sont capables de vous récompenser. Et ils ne seront pas capables. Donc, gaspille pas tes efforts et tes actions en faisant des actions pour autre qu'Allah, parce que ça ne sert à rien. Hein? Donc tu réfléchis à ces choses-là et ça t'aide à faire preuve de plus d'ikhlas. Hein? Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce que signifie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ihsan. C'est que chaque parole, chaque action, chaque croyance, hein, dans ton cœur, tu te rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de t'observer et de te voir, hein, pendant que tu le fais. Tu marches et l'affaire qui est importante de comprendre aussi par rapport à ça, c'est que justement l'être humain, c'est difficile pour lui de toujours rester avec ce niveau élevé de conscience quand il fait ses adorations. Parfois on fait des choses par habitude. Tu viens, tu fais ta salat, yani subhanallah, des fois tu vas faire ta salat, tu finis ta salat, tu dis, subhanallah, je ne me rappelle même plus, qu'est-ce que j'ai récité dans la première rak'at. Je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai resté dans la deuxième. Et je me rappelle plus, ah, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai fait ça, hein? Donc c'est pour ça que, quand tu fais avec ihsan, c'est-à-dire, à chaque moment où tu es en train de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es toujours en train de te rappeler et d'être conscient que, de ce que tu fais et de purifier ton intention par rapport à cette action-là ou cette parole-là à chaque instant. Et ça, c'est vraiment un travail assidu pour le croyant. Même quand tu parles avec n'importe qui, chaque mot qui sort de ta bouche, tu le calcules pour savoir est-ce que tu ne vas pas dire une parole qui n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Une parole de trop ou de moins. Bien analyser, calculer tout ce que tu fais dans tous les aspects de ta vie. Donc ça, c'est un travail continuel sur ta foi que tu dois toujours faire. Il n'y a pas un moment de ta vie tu peux dire bon là ça, je prends un break là-dedans, je me repose. Non, tu dois toujours continuer à travailler sur ça. C'est pour ça que le niveau de la foi il n'est jamais au même degré, hein, et que ça monte et que ça diminue à chaque fois. Il faut travailler là-dessus. Ensuite, donc le cheikh il dit الحاصل أن الإحسان على مرتبتين. المرتبة المشاهدة القلبية وهي أن تعبد الله كأنك تراه من شدة اليقين والإيمان وكأنك ترى الله عيانا. والمرتبة الثانية وهي أقل منها أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك فلا تعصيه ولا تخالف أمره. ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين. من بلغها فإنه بلغ أعلى مراتب الدين. ها؟ وقبلها مرتبة الإيمان وقبلها مرتبة الإسلام. Donc le Cheikh explique, il résume les deux degrés qu'on vient de mentionner de l'Ihsan. Donc le premier degré de l'Ihsan, c'est le fait que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Donc tu le vois par ton cœur, hein. Et c'est comme si tu l'adores, comme si tu le voyais avec tes yeux. Ça c'est à cause de la grandeur ou de la force de ta conviction et de ta foi. Hein. Et le deuxième degré, c'est un degré moins important, ou plus bas, ou plus faible, mais quand même qui fait partie du plus haut degré de la foi, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en sachant qu'il te regarde et en sachant qu'il te surveille et qu'il t'observe. Donc tu ne le désobéis pas et tu ne contredis pas son commandement. Yani, si quelqu'un il est arrivé à ce degré là, est-ce que c'est possible pour lui de désobéir à Allah alors qu'il est dans ce niveau-là de foi et de conscience et de certitude? Non, à ce moment-là, c'est pas possible. Hein? Donc ça, c'est le degré qu'on appelle le degré de l'Ihsan, qui est le plus haut degré de la religion. Celui qui l'atteint, il a atteint le plus haut degré de la religion. Et avant ce degré-là, il y a celui de la foi, l'Iman, et avant, il y a celui de l'Islam, c'est-à-dire de la soumission. D'accord? Toutefois, juste une parenthèse ici par rapport à cette question de l'Ihsan. Certains soufis, parmi les gens de Bid'a, parmi les soufis, qui est une secte d'égarement parmi les sectes qui existent parmi les musulmans, c'est des gens qui pensent qu'il y a des raccourcis pour arriver à Allah. Hein? Et que tu n'as pas besoin de suivre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres méthodes en dehors de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna pour arriver à Allah. Et donc eux, ils ont établi et inventé, en se basant sur d'autres civilisations et d'autres cultures, comme par exemple la culture grecque, la culture chrétienne, la culture des juifs, hein, qui se base parfois sur, justement eux-mêmes se basent sur d'autres cultures, d'autres philosophies, d'autres croyances, d'autres idéologies, sur l'hindouisme, hein, et d'autres comme le bouddhisme aussi, des philosophies comme le bouddhisme et autres. Ils ont pris ces idéologies là ils les ont mélangées avec l'islam, et ils ont essayé de faire un islam à l'image de ces spiritualités là et de ces idéologies là donc pour eux L'être humain, pour arriver au degré, à un degré élevé de foi, il doit faire certains exercices spirituels qui ont été inventés par certains individus qu'ils suivent. Ok? Et parmi ces exercices spirituels-là que eux ils ont inventés, c'est par exemple de s'abstenir de manger, hein, de s'abstenir de, d'avoir une épouse, ou bien de s'abstenir de sommeil, de s'abstenir de manger des bonnes nourritures, de s'abstenir de porter certains vêtements qui sont halal. Donc on parle que des choses halal ici, hein. C'est-à-dire de s'abstenir de ce qui est halal dans le vêtement, dans la nourriture, des choses comme ça. Hein, de s'isoler dans des endroits très loin, rester tout seul, ne faire que la méditation, des choses comme ça. Et certains ils vont dire aussi, tu dois casser ton ego ou ton nafs en faisant des choses humiliantes ou rabaissantes ou des choses qui ne se font pas. Hein, comme par exemple, rester dans les ordures ou des potoirs avec des chiens, hein, et de ne pas se laver, de ne pas se purifier. Pour se briser son nafs, hein, de faire de la mendiance, hein, toutes sortes de choses de ces différentes catégories-là, pour arriver à ce degré-là de, soi-disant, d'atteindre un degré plus élevé de la foi. Et aussi de faire certains exercices spirituels que certains hommes ont inventés et copiés des autres spiritualités, comme par exemple, ils vont faire certaines activités ou certaines danses ou certaines chansons qu'ils vont chanter en disant qu'ils font du dhikr, en disant qu'ils font un rappel de Dieu, mais ils vont commencer à faire des chants comme ça ou bien faire des danses dans leur mosquée ou bien dans leur centre, et ils vont se mettre par exemple en cercle, ils vont commencer à se bouger entre eux, faire des dhikr en faisant des chansons ou bien avec des instruments de musique, ou bien en faisant des sons, comme par exemple quand ils vont faire le dhikr, ils vont mentionner le nom ou le mot ho, ho, ho, ho, ho, comme ça, 100 fois, 200 fois, 1000 fois, ou bien dire des paroles comme ça qui n'ont pas vraiment de sens, hein, ou répéter un son ou une lettre avec des mouvements en même temps, ou même certaines façons spécifiques de respirer en bougeant. Et ils font ça tous ensemble. Et n'importe qui va sur YouTube maintenant, qui tape soufia ou bien tasawwuf ou des trucs comme ça, il va voir des exemples de ça. Même ils se filment entre eux, puis ils mettent ça sur Internet. Ils ont même pas honte, hein, aujourd'hui. Ramstan. Et quand ils font qu'est-ce qu'ils appellent l'hadra, hein, lorsqu'ils célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une de leurs innovations, une des innovations des soufia, eh bien, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présente en personne dans ces assemblées-là. Et dans ces moments-là, donc, ils se mettent en rond et ils tapent le tambour ou des choses comme ça, et puis ils commencent à bouger tous ensemble, hein, à faire des danses, puis à chanter ou à faire ce qu'ils appellent le dhikr, eux, qui n'a rien à voir avec le dhikr en islam. Puis, justement, ils vont accélérer le rythme à chaque fois jusqu'à ce que certains d'entre eux tombent sans connaissance ou bien entrent en extase ou entrent en transe ou des choses comme ça. Hein? Donc ça fait partie de ça. Et donc ils pensent que lorsque l'homme a atteint un degré tellement élevé, il devient un avec Allah. Et il se fusionne en Dieu. Il y en a certains qui croient que Dieu est partout et tout, qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, que tout est un. Ceux qui croient par exemple en Wahdatul Wujud, comme Ibn Arabi, hein, ou bien Al-Hallaj, ou bien Ibn Sab'in, Al-Tijani, et beaucoup d'autres parmi les Shurs Sufiyah. La majorité des Turq Sufiyah qui existent aujourd'hui, elles sont basées sur ces croyances-là. Et elles sont basées aussi sur le fait de donner un serment d'allégeance au cheikh d'une tariqa, que tu dois l'obéir dans tout, comme si c'était le prophète. Hein? Et même si tu le vois en train de faire des choses haram, tu ne dois rien penser de mal de lui. Tu ne dois jamais le remettre quoi que ce soit de ce qu'il te demande en question. Tu dois être comme le mort avec celui qui le lave. Hein? Et que si jamais tu penses du mal de lui, il peut t'enlever ta foi avec un seul regard. Et tu dois le craindre comme on craint Allah. Et c'est comme ça que les soufis agissent avec leurs chouyour. Donc ça, c'est des exemples d'égarement et de déviation. Mais ces gens-là pensent que c'est ça, al-ihsan. Nous, on leur dit non, c'est pas ça, al-ihsan. Al-ihsan, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Qu'est-ce qui est dans le Coran, qu'est-ce qui est dans la sunna, et qu'est-ce qui est dans l'exemple des sahaba et de ceux qui les ont suivis. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux groupes contemporains qui prétendent prêcher l'islam, parce que en arrière de ces groupes-là, souvent, ils ont des tendances soufies. Que ce soit les tablir, que ce soit les Irkouan ou d'autres. S'ils ne montrent pas ouvertement un attachement au soufisme, ils ne le dénoncent pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais critiquer le soufisme ou parler du soufisme de façon négative. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça, c'était juste un point en passant pour que vous soyez au courant de cet aspect-là. Sinon, on a fait 15 cours sur le soufisme. Hein, la réalité du soufisme, on a fait ça il y a quelques années de ça. Ces cours-là sont sur le site dans la section des réfutations des sectes. Donc vous pouvez les écouter pour avoir plus de compréhension sur ces détails-là. Maintenant, en ce qui concerne les degrés de la religion, le cheikh il explique, comme on l'avait expliqué déjà préalablement au début de ce degré de la religion qu'on a parlé, ou bien au début de ce fondement, les différents cercles de la religion. Le cheikh il explique, il dit « Faddinu dawa'ir ». الدائرة الأولى الإسلام وهي واسعة حتى يدخل فيها المنافق ويقال له مسلم ويعامل معاملة المسلمين لأنه استسلم في الظاهر فهو داخل في دائرة الإسلام ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة أو مثقال حبة خردل. Donc, le cheikh explique que le premier degré, c'est comme si c'était le grand cercle. C'est l'islam. Et dans ce cercle-là, on peut inclure, yani même l'hypocrite, le munafiq. On dit de lui qu'il est musulman et on agit envers lui de la même manière qu'on se comporte envers le reste des musulmans. Parce que dans l'islam, on juge par l'apparence. On juge les gens uniquement par l'apparence, puisque le cœur, on ne peut pas savoir ce qui est dedans. La seule manière de savoir ce qui est dans le cœur, c'est de demander à la personne de nous dire ce qu'elle croit. Ou par son action. Mais en ce qui concerne qu'est-ce qui est dans son cœur, tant que la personne ne nous montre pas quelque chose qui vient en opposition avec les fondements de la foi, on se base sur son aspect extérieur. S'il nous montre le bien, on accepte. Hein? Même si la personne ne croit pas dans son cœur réellement, on le juge ou bien on agit avec cette personne-là, dans cette dunya, comme si c'était un musulman. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il agissait à son époque avec les hypocrites. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait leur nom et il savait exactement qui étaient les hypocrites, chacun d'entre eux. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé l'identité des hypocrites. Mais il ne les jugeait pas selon la connaissance qu'il avait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les jugeait uniquement d'après ce qui était apparent dans leurs actions et dans leurs paroles et dans leurs comportements. Hein? Et donc, c'est pour dire que nous, de la même manière, parfois, certains d'entre eux faisaient certaines choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, comme par exemple quand Usama ibn Zayd, un des sahaba, il était dans le combat, et au moment où il allait frapper un mushrik, parmi les mushrikines, le mushrik a dit, je témoigne de la ilaha illallah. Ça veut dire, ashhadu an la ilaha illallah. Juste au moment où il allait le frapper avec son épée. Alors, Usama, lui, il a dit, lui, il dit ça juste pour que je le tue pas. Alors, il a frappé quand même, et il l'a tué. Et cette chose est arrivée aux oreilles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur? Parce que Osama a dit, il a dit ça juste pour se sauver de mon épée, pour pas que je le frappe. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir ce qui était dedans, s'il était sincère ou non? Ashaqaqta an qalbi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, qu'est-ce que tu vas faire au jour de la résurrection avec la ilaha illallah? Qu'est-ce que tu vas faire au jour de la résurrection avec la ilaha illallah? Et il lui a répété tellement de fois que Oussama a dit, j'aurais souhaité qu'il cesse. Et il a dit, j'aurais souhaité que je n'avais jamais accepté l'islam avant ce jour. Tellement il avait compris la gravité de l'erreur qu'il avait faite. Donc nous, on se base sur qu'est-ce qui est apparent et qu'est-ce qui est extérieur. Le cœur de la personne, qu'est-ce qui est dedans? Tant qu'il ne fait pas d'action contraire ou de paroles opposées à la foi et au fondement de la foi, nous, on juge par qu'est-ce qui est apparent. OK? Donc, on agit avec les munafiqines comme on agit avec le reste des musulmans en se basant sur le fait qu'il s'est soumis en apparence. Et il entre dans le grand cercle de l'islam. Et on peut également faire rentrer dans ce grand cercle de l'islam celui qui a une foi faible, qui atteint le degré ou le poids d'une graine de moutarde. Donc, celui dont la foi est tellement faible qu'elle est arrivée au poids d'une graine de moutarde, lui rentre dans ce degré de l'islam aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les gens qui sont parmi les musulmans, il y en a certains qui font des péchés, certains d'entre eux vont être punis par l'enfer, et qu'à un moment donné, par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont sortir de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, faites sortir de l'enfer toute personne qui a une graine de moutarde de poids de foi dans son cœur. Donc ça, c'est la preuve que ces gens-là sont des musulmans. Hein? Et tant que quelqu'un n'a pas commis une forme de shirk majeur ou de kufr majeur, il reste toujours musulman. Il est considéré comme étant musulman, même s'il commet des grands péchés. C'est sûr qu'il doit se repentir, mais il n'est pas en dehors de l'islam pour avoir commis des péchés. D'accord? C'est très important. Le deuxième cercle, le cheikh il dit « Ad-da'iratu thaniya » وهي أضيق من الأولى وأخص دائرة الإيمان وهذه لا يدخل فيها المنافق النفاق الاعتقادي أبدا وإنما يدخل فيها أهل الإيمان وهم على قسمين إيمان كامل وإيمان ناقص فيدخل فيها مؤمن فاسق أو مؤمن تقي. Donc le cheikh dit le deuxième cercle il est à l'intérieur du grand cercle. Il y a le grand cercle de l'islam et il y a un autre cercle à l'intérieur de ce grand cercle qui est le cercle de l'Iman. Et dans ce cercle, il y a une catégorie qui est plus spécifique et qui est plus restreinte, plus particulière. C'est hein, la catégorie des gens qui ont la foi complète ou une foi déficiente ou qui est faible un peu, hein, qui n'est pas parfaite. Donc, le croyant qui fait des péchés et le croyant qui a une foi complète, il rentre dans ce cercle-là. Tandis que le munafiq, l'hypocrite, il ne rentre pas dans l'iman, il ne rentre pas dans l'appellation de mu'min, puisqu'il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Il croit seulement. Il montre seulement en apparence qu'il est musulman, mais il ne croit pas réellement dans son cœur. Donc ça, c'est le deuxième cercle. Et le troisième cercle, le cheikh dit « الدائرة الثالثة وهي أضيق من الثانية دائرة الإحسان وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها إلا أهل الإيمان الكامل. » Le troisième cercle, c'est un cercle encore plus petit, à l'intérieur du cercle de Al-Iman, encore plus petit et encore plus restreint que le deuxième. Et ce cercle-là, il est, comme le cheikh le dit, il est pour les gens de Al-Ihsan, les gens qui ont perfectionné leur adoration et leur foi. Et qui sont dans le plus haut degré de la perfectionnement de la foi. Donc c'est ceux-là, ça c'est le plus petit cercle. Et il y a encore moins de personnes qui rentrent dedans. Donc dans le grand cercle, tous les musulmans rentrent. Même les munafiqines. Dans le deuxième, seulement les mu'minines. Hein? Et dans le troisième, seulement les gens qui ont le plus haut degré de la foi qui rentrent dedans. Donc c'est trois degrés. Et comme on avait expliqué, la foi elle monte, elle diminue dans une seule personne, dans une même personne. Donc ça se peut que des fois tu sois dans le plus petit cercle, parfois dans un moment donné, puis que tu descends par la suite dans le degré de l'Iman, hein, ou que tu descends ta foi jusqu'au degré de l'Islam. Même que ça se peut que tu sortes complètement du cercle de l'Islam, tu deviens kafir si tu as fait quelque chose qui annule l'Islam. D'accord? Donc ça c'est important de le comprendre. Il y a des choses qui annulent l'Islam de quelqu'un. On a justement expliqué un livre sur ce sujet-là qui s'appelle Sharh Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire l'explication des choses qui annulent ou bien les annulatifs de l'Islam. Et les ulama ont mentionné qu'il y en a plus que 400, mais certains savants ont mentionné celles qui sont les plus courantes, et elles sont du nombre de 10. Et le cheikh Al-Fawzan, il les a clarifiées dans un livre justement qui s'intitule L'explication des annulatifs de l'Islam. Sharh Nawaqid al-Islam. Et ce cours-là, on l'a fait en 30 cours. Il est sur le site également. Donc vous pouvez le télécharger et les écouter, c'est très important. Ce sont des choses très importantes à connaître pour un musulman.